بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc dans notre tafsir de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, surat An-Nisa. Donc on continue avec les bienfaits des versets qu'on a lus et on est arrivé au point numéro 16. Donc on va continuer inshallah. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens juste de t'envoyer un message, c'est pour ça. Ah, tu vas voir. Donc le point numéro 16, le Cheikh Al-Fawzan, il dit yukhadhu min hadhihi al-ayat aydan anna Allah subhanahu yuhasibu al-wali ala tasarrufihi fi mal al-yatim. وأنه حتى لو أشهد في الدفع فإنما هذا الإشهاد يدل على الدفع لكن لا يدل على أن هذا الولي كان مسلحا في مال موليه لأن الشهود إنما يشهدون على الدفع ولا يشهدون على ما قبله وإنما الذي سيحاسبه هو الله سبحانه وتعالى. نعم وإنما الذي سيحاسبه هو الله سبحانه وتعالى على ذلك يوم القيامة ويجازيه على إساءته في ولاية مال اليتيم لأن ولاية مال اليتيم أمانة. الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويقول سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ويقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكل هذه الاحتياطات في الولاية على مال اليتيم تدل على أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وأنه سبحانه يراعي مصالحهم وأنه جل وعلا يريد بهم التواصل وعدم القطيعة فيما بينهم بأن لا يكون هناك خصام بين الولي وبين اليتيم بعد بلوغه. Donc ici, le cheikh, il explique que, le point numéro 16, parmi les points et les choses qu'on peut tirer de ces versets, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger le tuteur sur la façon dont il s'est servi de l'argent ou bien comment il a géré l'argent de l'orphelin. Donc ça veut dire que même si, lorsqu'il remet l'argent à l'orphelin au moment où il atteint la puberté, il va prendre des témoins pour être certain pour faire vérifier que l'argent a été remis à l'orphelin. D'accord? Et donc, ça c'est une chose, mais il y a d'autres choses aussi. C'est-à-dire que le fait que le tuteur a remis l'argent, ça c'est une chose, mais il y a une autre chose qui est également importante, et c'est-à-dire, est-ce que ce tuteur a bien géré l'argent de cet orphelin-là? Et est-ce qu'il ne s'est pas, yani, servi dans cet argent-là de façon excessive? Est-ce qu'il n'a pas pris ou consommé des biens de cet orphelin-là qui ne lui étaient pas licites? Ça, les témoins qui ont témoigné de la remise de l'argent, eux, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas témoins de ce qui a été fait auparavant avec l'argent. Ils sont uniquement témoins de l'argent qui a été remis au moment où cet orphelin-là a atteint la puberté. Donc, celui qui va le juger pour qu'est-ce qu'il avait fait avec l'argent avant de le remettre, c'est qui? C'est Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger pour ça. Et le cheikh, il dit que, donc au jour de la résurrection, le tuteur, il va être jugé pour qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent de l'orphelin et il va le rétribuer pour le mal qu'il a fait s'il avait mal géré l'argent de cet orphelin. Il dit parce que la responsabilité que le tuteur a pris de s'occuper de l'argent de cet orphelin-là, c'est une amana. Une amana, ça veut dire c'est un dépôt. Hein? C'est un dépôt que yani, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et quand on dit un dépôt, c'est comme quand toi tu vas aller à la banque, tu vas mettre ton argent dans un compte de banque. Hein? Ça, c'est juste un exemple que je donne. Je ne parle pas du fait, est-ce que c'est permis ou non de mettre l'argent à la banque, ça c'est autre chose. Mais je donne ça comme un exemple seulement, pour faire comprendre que quand tu donnes ton argent à la banque, tu le mets dans un dépôt, hein, tu fais un dépôt pour mettre ton argent à la banque, eh bien, si par exemple tu reviens à la banque le lendemain, puis tu dis je veux mon argent, puis qu'ils te disent on l'a perdu ou on l'a pas, tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais non, ça c'est votre responsabilité. Je vous ai donné l'argent, c'est un dépôt. Maintenant, vous devez me rendre mon argent parce que c'est à moi. Et une fois que je l'ai donné, si vous le perdez, vous êtes responsable. D'accord? Donc, en fait, al-amana, c'est un petit peu dans ce sens-là. Amana, c'est un dépôt. Et quand tu as l'argent de l'orphelin, eh bien, c'est comme si tu es responsable de cet argent-là. Ça veut dire qu'on te l'a confié, donc c'est un dépôt pour toi, et tu dois le rendre tel qu'on te l'a donné, tel qu'on te l'a laissé, parce que c'est une responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui respectent le dépôt qu'on leur a confié. Et il aime ceux qui respectent leur engagement. Donc il dit par exemple dans le verset 58 dans sourate An-Nisa le verset 58 dans sourate An-Nisa, justement la sourate qu'on est en train de lire et qu'on est en train d'expliquer. Donc le verset 58, qu'est-ce qu'Allah dit dans ce verset-là? Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, c'est-à-dire à ceux à qui ces dépôts appartiennent. Donc ça, c'est une obligation pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le verset 8, dans Sourate Al-Mu'minun, et ceux qui yani, tiennent compte et qui respectent leurs dépôts, hein, les dépôts qu'on leur a confiés, et leurs engagements, hein, les amanat. Les amanatihim, amanat, c'est le pluriel de amana. Donc amanat, c'est le pluriel de amana. Et donc, Allah, il dit dans le verset, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ. Al-ahd, c'est l'engagement. D'accord? Et donc, ra'un, ça veut dire il se préoccupe et il respecte cet engagement-là. Le verset 27, dans Sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « Ô vous qui avez cru, » il dit ce qui signifie, « Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et son messager alors que vous trahissez votre amana, votre dépôt. Hein? Alors que vous savez. » Je vais voir comment ils l'ont traduit aussi ce verset. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Donc c'est le verset 27, on a dit. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Al-amanat. Alors que vous savez. Ok, donc le cheikh, il dit toutes ces précautions qui ont été mentionnées par rapport au fait de prendre la charge et la responsabilité de l'argent de l'orphelin, ça indique une chose. Ça indique que Allah subhanahu wa ta'ala, il est doux envers ses serviteurs et que Allah subhanahu wa ta'ala, il tient compte des intérêts hein, et du bien de ses serviteurs, et qu'il veut pour eux qu'il y ait entre eux des bonnes relations. Il ne veut pas qu'il y ait entre eux des coupures ou des relations qui soient déchirées ou coupées entre les hommes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'il y ait de discorde entre les croyants. Et il dit, si par exemple il y a des disputes entre le tuteur et les orphelins, une fois qu'ils ont atteint la puberté, eh bien là, c'est pas quelque chose qui est correct. Hein, c'est pas quelque chose qui est bien. Et si le tuteur, il n'a pas bien fait son rôle et qu'il n'a pas respecté ses engagements et qu'il n'a pas rendu le dépôt de façon honnête, eh bien, c'est ce qui risque de créer des conflits, hein, des coupures entre les gens. Et tu vois ça souvent. Malheureusement, à notre époque, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a beaucoup d'histoires comme ça de gens qui ont eu des mauvaises expériences avec certaines personnes, alors qu'auparavant, c'était des amis. Et étant donné qu'ils ont parfois eu des mauvaises expériences, dans le sens que parfois certains n'ont pas respecté leurs engagements, ou ils ont fait des affaires ensemble pour un commerce, ou ils se sont rendus service par exemple dans certaines choses, et ils se sont prêtés de l'argent, mais il y avait un manque de respect envers les engagements par rapport à ça. Donc, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un puis que la personne ne te le rend pas, par exemple, eh bien, ça fait quoi? Ça fait que ça détruit des relations. Quand tu dis, par exemple, quelqu'un, il a fait un commerce avec toi et qu'il a investi de l'argent dans le commerce avec toi, puis que toi, tu lui dis, ben finalement, j'ai perdu l'argent, ou bien j'ai pas l'argent, ou des choses comme ça. Ou bien d'autres explications, ou d'autres choses qui peuvent se passer semblables à ça. Ça fait en sorte que, par la suite, les gens, ils se parlent plus. Parce qu'il y a eu des affaires comme ça entre eux, puis ça a détruit l'amitié qu'il y avait entre eux. Et c'est triste, surtout lorsque c'est des gens qui sont sur le même manhaj, sur la même aqidah, sur la même voie. Donc, c'est vrai qu'on pourrait dire, ah, mais ça, c'est juste des affaires de la dunya, donc c'est pas important. Mais c'est pas vrai que c'est pas important. C'est-à-dire, ça a une importance quand même. Puisque l'honnêteté, ça fait partie des principes de l'islam. Et le respect des engagements, ça fait partie de l'islam. Et également le fait de respecter et de rendre le dépôt qu'on nous a confié, ça aussi, ça fait partie de l'islam. Et même que ça fait partie des choses qui ont été la cause de la conversion de beaucoup de gens à l'islam. Lorsque des gens, par exemple, dans certains pays, ont connu pour la première fois les musulmans, lorsque l'islam a commencé à se propager dans certaines contrées, les gens ont remarqué une chose chez les musulmans qui était différente, c'était leur honnêteté. Dans les transactions qu'ils faisaient, dans le commerce. Et c'est ce qui a été une des causes qui a fait que beaucoup de gens se sont convertis. Parce que quand les gens, ils voient les musulmans, comment les musulmans se comportaient, eh bien, ils disaient, si ces gens-là sont comme ça, avec de l'argent, donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ont un mode de vie qui est basé sur la vérité. Parce que quelqu'un ne peut pas agir comme ça, puis ne pas être sur le droit chemin. Hein? Et tout de suite, les gens, ils acceptaient l'islam. Bon, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui accepte l'islam pour ça, ça va nécessairement être quelqu'un qui va avoir une bonne compréhension de l'islam. Et ça, c'est ce qu'on peut constater maintenant dans certains pays. Où l'islam est entré de cette façon, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont sur des formes d'islam qui sont parfois un petit peu déformé, hein, comme des formes de soufisme, ou bien des choses de ce genre, comme en Afrique ou en Indonésie ou dans d'autres régions comme ça, il y a beaucoup de bid'a. Mais, yani, de façon générale, hein, ça indique quand même une chose, c'est que le comportement, ça a une importance quand même, hein. Et les règles, hein, de respecter l'honnêteté et le dépôt, ça aussi, ça a un grand impact sur les gens. Et c'est très important donc pour les musulmans de faire en sorte qu'ils donnent justement cette image-là aux autres, pas seulement comme étant une image, mais comme étant une réflexion de la réalité. Hein? Non, pour aller au point suivant, le point numéro 17, le cheikh il dit... Il dit wa fi qawlihi ta'ala للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون يؤخذ من هذا أن النساء تستحق الميراث من أقاربهن كما يستحقه الرجال لا فرق بينهم في ذلك بموجب القرابة أما الأنوثة والذكورة فإنها لا فرق فيها من ناحية الاستحقاق وإن كان هناك فرق في المقدار كما سيأتي وفي هذا رد على الذين يحرمون النساء من الميراث ويجعلونه للذكور فقط وفيه رد على الذين يتهمون الإسلام اليوم بأنه يظلم المرأة بل الإسلام والحمد لله هو الذي أنصف المرأة وانتش لها من الذل والهوان اللذين كانت تعاني منهما في المجتمعات الجاهلية والمجتمعات الكافرة فالإسلام أعطاها الميراث بينما كانت الجاهلية تمنعها من الميراث وتبخس حقها وأعطاها حق الصداق إذا تزوجت وأنه حق لها يجب دفعه إليها ولا يؤخذ منه إلا ما طابت به نفسها وجعل لها سبحانه وتعالى حقا على زوجها كما أن لزوجها حقا عليها قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. Donc ici le cheikh il explique que donc, dans le point numéro 17, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les femmes ont une part de ce que leurs parents ont laissé, et, ainsi que leurs proches, et les hommes ont une part de ce que leurs parents ont laissé, ainsi que leurs proches, et les femmes ont une portion également de ce que leurs parents ont laissé et leurs proches. On peut tirer de ce verset-là que les femmes ont donc un droit à l'héritage de la part de leurs proches. Lorsque leurs proches meurent, de la même manière que les hommes ont un droit à une part de l'héritage aussi. Donc il n'y a pas de différence en ce qui concerne les proches, hein, vis-à-vis du droit à l'héritage entre l'homme et la femme. Les deux, ils ont un droit à cet héritage-là. Donc sur le plan du fait d'avoir droit, hein, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme en ce qui concerne l'héritage, sauf qu'il y a une différence dans les proportions, comme on va l'expliquer plus tard. Le cheikh, il dit, il y a dans ça une réfutation de ceux qui veulent priver la femme de l'héritage et qui pensent que c'est seulement pour les hommes. Il y a également dans ça une réfutation de ceux qui accusent l'islam aujourd'hui d'être injuste envers la femme. Il dit, c'est plutôt le contraire, car l'islam a fait a été juste envers la femme. Et l'islam a libéré la femme de l'humiliation et du rabaissement qu'elle subissait dans les sociétés d'ignorance et les sociétés de mécréance. Et donc l'islam a donné à la femme un héritage alors que dans la jahiliya, ceci lui était interdit et on la privait de son droit. Donc l'islam est venu pour donner à la femme son droit. Et également le droit de, hein, de la dot, comme on dit en arabe, as-sadaq. On dit aussi le mahr, ou le as-sadaq, yani c'est l'argent qu'on donne à la femme au moment du mariage. Et ça, c'est son droit. Hein? C'est pas de l'argent qu'on donne à son père ou à son wali. Hein? Son père ou son wali n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit de cet argent, excepté si elle est elle-même satisfaite d'en donner quelque chose. Parce que c'est son droit à elle. Et, yani, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de ça, il a donné à la femme. Il a donné à la femme un droit sur son mari, de la même manière qu'il a donné au mari un droit sur sa femme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 228 dans Surah Al-Baqarah, lorsqu'il dit « Et aux femmes, les femmes ont un droit équivalent à leur devoir. Hein? » C'est-à-dire que les femmes ont des droits de la même manière qu'elles ont des responsabilités vis-à-vis de leur mari, selon la bienséance, c'est-à-dire selon la coutume. Et il dit, et les hommes ont cependant un droit supérieur ou un droit supplémentaire sur elles. Donc, et les hommes ont un degré de plus sur elles, c'est-à-dire ils ont un droit qui est plus grand sur elles que elles sur leur mari. C'est-à-dire que les femmes, elles ont un droit et les hommes, ils ont leur droit. Mais le droit de l'homme, il passe au-dessus du droit de la femme dans le mariage. Hein, il a des droits qui sont au-dessus de ceux de la femme parce que c'est l'homme qui est considéré en islam comme étant le chef de la famille. Donc en islam, il n'y a pas l'égalité absolue entre l'homme et la femme dans tout. Contrairement à ce qui existe dans les sociétés de kufr, qui prétend que l'homme et la femme sont égaux, mais ça c'est seulement de façon, yani, dans leurs idées, parce que concrètement, dans la réalité, ils savent très bien que c'est pas vrai, hein, que ça n'existe pas cette égalité-là. C'est une égalité illusoire, c'est-à-dire c'est écrit dans leur livre de loi, mais de façon concrète et dans la réalité, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister non plus, puisque c'est contraire à la réalité. Naam. Donc ensuite, le cheikh il dit « وَلِهَذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّعَدُّدُ إِذَا كَانَ فِيهِ إِجْحَافٌ وَعَدَمُ قِيَامٍ بِالْعَدْلِ الَّذِي يَسْتَطِيعُهُ الزَّوْجُ وهو الإنفاق والكسوة والسكنى والمبيت وقال تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وهذا إنصاف للمرأة من أن يظلمها الزوج ويعتدي على حقوقها ولهذا قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فمع التعدد فإنه لم يبح التعدد مطلقا بل أباح التعدد الذي يستطيع معه الرجل القيام بحقوق الزوجات وذلك بأن قصره الله على أربع زوجات بدلا أن كانوا في الجاهلية يتزوجون الأعداد الكثيرة من النساء ويظلمونهن ولا يقومون بحقوقهن وكل هذه الأمور والحمد لله وغيرها تدل على إنصاف الإسلام للمرأة وأيضا الإسلام صان المرأة وحماها وأمرها بالحجاب وأمرها بالتعفف وترك التبرج بالزينة التي تفتن الناظرين إليها وكل هذا لأجل صيانتها وعفتها وحرم الخلوة بها مع رجل ليس من محارمها أو ليس زوجا لها حفاظا عليها وعلى كرامتها وحرم أن تسافر بدون محرم من أجل حمايتها لئلا تتعرض للكلاب الضارية من البشر. كل هذه الأمور تدل على أن الإسلام أنصف المرأة إنصافا عظيما يليق بها. Donc le point ici, le cheikh il continue son explication, il dit que également Allah subhanahu wa ta'ala a interdit que quelqu'un pratique la polygamie si cela implique que quelqu'un lui fait de l'injustice ou ne respecte pas la justice et que l'homme, par exemple, s'il n'est pas capable d'être juste entre ses épouses, dans le fait de dépenser de ses biens et dans le fait de les vêtir et dans les faits de les loger et dans les faits de dormir avec elle ou bien d'avoir un rapport avec elle, il doit savoir être juste entre elles dans ces choses-là. S'il ne fait pas preuve de justice entre elles dans ces points-là, alors dans ce cas-là, il n'a pas le droit de se marier avec plus qu'une épouse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 dans sourate An-Nisa, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. C'est-à-dire, si vous craignez de ne pas être juste entre vos épouses, ou bien, en fait, quand tu lis le contexte du verset, c'est plutôt si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelines. Et on a expliqué cette partie-là du verset dans les chapitres, dans les cours précédents. Parce que si quelqu'un, par exemple, il était le tuteur d'une femme qui était sous sa charge, parmi les orphelines qui étaient sous sa charge, il n'a pas de lien de parenté avec elle. Donc, il a le droit de se marier avec elle. Mais s'il réalise qu'en la mariant, il risque de lui faire préjudice ou de ne pas être juste avec elle, justement, en disant, puisque c'est moi son wali, puisque c'est moi son responsable, et si je l'épouse, eh bien, j'aurais peut-être pas besoin de lui donner un mahar complet. Et comme ça va être moins compliqué pour moi si je veux l'épouser. Sauf que cette femme, elle a le droit à son mahar. Et donc, de la priver de ça, c'est une forme d'injustice. Et donc, si vous craignez d'être injuste envers elle, parce que vous êtes justement le tuteur de cette femme et qu'elle, elle est orpheline, alors limitez-vous à épouser une seule. Ou ce que votre main droite possède, c'est-à-dire, ou bien des esclaves, s'il y a des esclaves. Mais en ce moment, il n'y a pas d'esclaves. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit, donc il faut, si quelqu'un désire prendre une deuxième femme, ou une troisième femme, ou une quatrième femme, il faut qu'il soit juste entre elles, et qu'il ne dépasse pas les limites de ses droits. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit de façon générale dans le verset 19 dans sourate An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, c'est-à-dire vivez avec elles de façon convenable. Vivez avec elles de façon convenable selon la coutume. La coutume, c'est-à-dire la coutume des musulmans dans les sociétés musulmanes, selon les coutumes qui sont en accord avec l'islam et selon les choses qui respectent la justice. Et il dit donc parmi le fait que, par exemple, en ce qui concerne le fait de pouvoir faire la polygamie, ou bien d'avoir plusieurs femmes, c'est permis en islam, mais en même temps, c'est pas permis de façon absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'islam, la polygamie est seulement permise lorsque, comme on l'a dit, un homme va être capable de respecter les droits de ses épouses de façon équivalente. C'est pas comme certains, par exemple, qui vont prendre plusieurs femmes puis qui vont dire, Bon, la première, elle, je vais bien la traiter, puis je vais lui donner tout ce qu'il faut, la maison, puis tout le confort, puis toutes les choses correctes. Et puis l'autre, eh ben, je vais la mettre dans une petite pièce, hein, puis elle va être satisfaite dans un et demi ou deux et demi avec hein, une cuisine et disons que Yanni, depuis qu'elle a quatre murs autour d'elle, ça suffit. Hein? Non, ça c'est il faut être capable de s'en occuper de façon juste. Hein? Ça veut dire que tu vas être capable de lui donner une vie qui va être comparable dans le sens qu'elle va être capable d'être Yanni, à l'aise comme l'autre épouse. C'est pas une que tu lui donnes tout ce qu'il lui faut, puis l'autre, tu la traites comme si c'était une esclave, ou bien si elle n'avait pas autant de droits que la première. Parce qu'il y en a des gens qui ont cette mentalité-là, des fois. Et donc, ça, c'est pas correct. Hein? Dit la première, c'est sérieux, mais la deuxième, c'est moins sérieux. Hein? Ou bien, elle a pas, c'est pas aussi important, ou elle n'a pas le même prestige. Et surtout, souvent, qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là? Pourquoi ça se produit? C'est parce que ces gens-là qui se marient avec une deuxième, ils se marient avec une deuxième dans des sociétés qui ne reconnaissent pas la validité du deuxième mariage. Donc, ça veut dire que le premier mariage, il va être officiel et il va être déclaré. Donc, la femme, elle a tous ses droits. Et si jamais elle a besoin de réclamer quelque chose légalement ou de demander ses droits légalement, elle va pouvoir avoir tous les recours, parce qu'elle a tout ce qu'il faut, puis son mariage est reconnu officiellement. Tandis que l'autre, qui est en arrière, hein, mariée deuxième, elle n'est pas déclarée, elle n'a aucun papier pour prouver qu'elle est mariée, donc il n'y a rien d'officiel. Et en même temps aussi, donc si elle a des conflits ou s'il y a un problème, puis qu'elle a besoin de demander ses droits, elle n'a aucun recours à cause de ça. Et non seulement ça, mais si elle a des enfants, eh bien souvent ces enfants-là ne vont même pas être déclarés de façon légale aussi, puisque le mariage n'est pas déclaré. Ça veut dire que ça va être considéré, ces enfants-là, comme s'ils ne sont pas ses enfants, hein, de cet homme. Et ça, c'est grave. C'est une grave injustice pour ces enfants, hein. Et c'est déjà arrivé pour certaines personnes qui, justement, étaient dans cette situation-là et qui ont eu des problèmes à cause de ça plus tard. S'ils voulaient aller vivre dans des pays musulmans ou bien demander des passeports pour ses enfants. En tout cas, tout ça, c'est pour dire que si tu veux faire ton mariage et avoir une deuxième femme, essaie de le faire comme il faut. Essaie de le faire en respectant les conditions. Et essaie de le faire dans des sociétés qui le permettent. Justement pour éviter d'avoir des problèmes. Naam. Donc ça c'est important. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il explique aussi donc que donc tu dois te limiter aussi à avoir quatre. Pourquoi on dit qu'il faut qu'il y ait quatre maximum? Pourquoi? Parce que avant l'islam, les Arabes avaient l'habitude d'avoir un nombre indéterminé de femmes. C'est-à-dire d'avoir plus que quatre même. Certains pouvaient même avoir jusqu'à 10 femmes ou plus. D'accord? Et comme c'est le cas encore aujourd'hui dans certaines sociétés en Afrique et en Asie et ailleurs, un homme peut avoir beaucoup plus que 4 femmes. Mais dans l'islam, c'est limité à 4 pour éviter justement qu'il y ait des négligences ou de l'injustice. Et que quelqu'un ne soit pas capable justement d'honorer les droits de ses épouses. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce qu'après une épouse, ça va. Tu es capable de l'honorer et d'honorer ses droits. Deux épouses, ça va. Trois et quatre, à la limite, les hommes qui sont capables de le faire, ils vont être capables de respecter les droits de ces épouses-là, de ces femmes-là. Mais s'il voulait avoir plus que 4 femmes, hein, 5, 6, 7, 8 ou 10 ou plus, à un certain moment donné, il va être obligé de négliger certaines d'entre elles. Et peut-être qu'il ne va pas être capable justement d'honorer leurs droits. Et peut-être qu'à cause de ça, certaines d'entre elles vont être poussées à justement être dans le péché et de satisfaire leurs besoins ailleurs, en dehors du mariage, parce que leur mari est occupé avec les autres. Et peut-être qu'il va même délaisser celle-là. Pendant combien de jours il va passer avant qu'il vienne visiter l'autre? S'il doit donner une journée à chacune, donc l'autre, elle doit attendre plus qu'une semaine avant d'avoir la visite de son mari. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc ça, c'est pas juste pour la femme. Et c'est pour cette raison-là, parce que les koufars, eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginent dans ça. Peut-être qu'ils pensent que le fait qu'ils aient plusieurs femmes, ça ne les dérange pas. Il y a des koufars qui pensent que nous, les musulmans, quand on a plusieurs femmes, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs femmes en même temps, dans la même pièce, ou dans la même chambre quand on dort. Non. On n'a pas le droit de dormir avec plusieurs femmes en même temps. C'est-à-dire, chaque femme doit avoir sa chambre, sa pièce, ou bien son appartement. Chacune d'entre elles a droit à son appartement séparé. C'est pas de les mettre toutes ensemble dans la même maison, puis tu dis, mais c'est pas grave, on va tous être ensemble, en même temps. Alaykoum salam. C'est pas comme ça dans l'islam. Il faut respecter l'intimité de chacune. Et si t'en as juste une, t'en as juste une dans ce cas-là. Non, mais si tu vis avec une seule femme, tu vis avec elle toute seule. Mais si tu as plusieurs, tu dois avoir plusieurs maisons. Tu comprends? Ala kulli hal, donc le cheikh, c'est ça qu'il explique. Puis après, il dit donc que tu dois juste avoir quatre, pas plus. Après, il explique que tout ça, ça nous montre que l'islam a été juste envers la femme. Et que l'islam a voulu protéger la femme. Et parmi les exemples de la protection que l'islam a ordonnée à la femme, il y a le fait que l'islam lui a ordonné la pudeur et la chasteté. Il lui a ordonné de se voiler, c'est-à-dire de se couvrir, de porter un vêtement qui couvre toutes les formes de son corps, de la tête aux pieds, pour éviter justement qu'elle soit une source de tentation et de désir de la part des hommes lorsqu'elle sort à l'extérieur. Et l'islam a interdit à la femme également d'exhiber ses atours et ses charmes pour éviter qu'elle soit une source de tentation pour les gens qui la regardent lorsqu'elle sort dehors. Donc tout ça, c'est dans le but de préserver sa chasteté et son honneur. L'islam a également interdit à la femme d'être isolée avec un homme interdit pour elle, c'est-à-dire un homme qui ne fait pas partie de ses proches parents. Donc si cet homme-là, il ne fait pas partie de ses proches parents, et que c'est un homme qu'elle a légalement le droit de marier, elle n'a pas le droit d'être seule avec lui et de s'isoler avec lui. Et tout ça, c'est dans le but de préserver son honneur encore une fois. Et l'islam a également interdit à la femme de voyager sans mahram, c'est-à-dire sans avoir un chaperon avec elle parmi ses proches parents pour la protéger et pour éviter que les chiens parmi les hommes qui n'ont pas de respect pour la femme essaient de la déranger ou de la harceler. Donc ça c'est une réalité, on voit les harcèlements aujourd'hui qui ont lieu dans les sociétés de kufr. Et les femmes, elles commencent à se plaindre des harcèlements, comme si c'était quelque chose qui était nouveau. Et tout ça, c'est parce que ces gens-là se sont éloignés des principes de l'islam. Et donc, tout ça, c'est des choses qui indiquent que l'islam a été juste envers la femme. Et que c'est l'islam qui a donné à la femme son droit et sa dignité et son honneur. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera au prochain cours inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.